est le don de Dieu. Tu nous attends, Seigneur, au bord d'un puits sur l'autre rive. Toi qui connais le don de Dieu, tu nous conduis, Seigneur, vers le pays des sources vives. Au loin, j'ai entendu ton chant et je l'ai suivi. Il m'a conduit jusqu'à toi. Bonjour à toi, l'étranger. Si tu es fatigué, assieds-toi sur la margelle du puits et repose-toi à l'ombre de ma chanson. Ta parole comme une eau de fontaine, à chaque instant coulant nos veines. Toi qui parles si bien de paix et de justice, que ton amour nous envahisse. Quel est celui dont tu parles dans ton chant? Je ne le connais pas, mais je sais qu'il doit venir. Nos pères et les pères de nos pères parlent de lui depuis les origines, depuis que notre père Jacob nous a donné ce puits. Donne-moi à boire. Ta parole comme une eau jaillissante, à tout jamais reste vivante. Toi qui parles si bien à ceux qui désespèrent, que ton amour nous mène au Père. À mon tour de te donner à boire. Mais je n'ai pas soif. En buvant l'eau de ce puits, tu auras toujours soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Oh, je ne comprends rien à ce que tu me dis. Continue ta chanson. Comme une eau si profonde, en quelques mots change le monde. Toi qui parles si bien des sources éternelles, du bord d'un puits tu nous appelles. As-tu compris les paroles de ton chant? Aujourd'hui, je t'appelle. Mais qui es-tu? Es-tu celui qui doit venir? Je le suis, moi qui te parle. Venez tous, j'ai rencontré le Messie! Je vous le dis, levez les yeux et regardez. Déjà les champs sont blonds et prêts pour la moisson. Déjà le moissonneur amasse du fruit pour la vie à venir. Déjà, celui qui sème et celui qui récolte se réjouissent ensemble. Tu nous attends, Seigneur, au bord d'un puits sur l'autre rive. Toi qui connais le don de Dieu, tu nous conduis, Seigneur, vers le pays des sources vives.